Dis-moi tout. Troisième niveau. Documents oraux. Centre violet. Leçon 1. Activité 2. Poisson d'avril. Je t'accroche dans le dos un poisson qui fait le beau. Tu ne le sais pas. Je te joue un tour. Tant pis pour toi. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? J'en ai un d'accroché et je ne le savais pas. Tant pis pour moi. Leçon 4, activité 3. La pollution. La pollution, c'est une fleur qui ne s'ouvre plus, un oiseau qui ne vole plus, un ruisseau qui ne coule plus. La pollution, c'est le soleil qui ne brille plus, l'herbe qui ne pousse plus, le castor qui ne mange plus. C'est tout ça, la pollution. Attention, attention. Faisons très attention à la pollution. Leçon 5, activité 2. Cherchons une solution à la pollution. P-O-L-L-U-T-I-O-N, pollution. P-O-L-L-U-T-I-O-N, pollution. Les aérosols dans ma maison, ça c'est de la pollution. Les tas de déchets sur mon balcon, ça c'est de la pollution. P-O-L-L-U-T-I-O-N, pollution. P-O-L-L-U-T-I-O-N, pollution. Les insecticides sur mon gazon, ça c'est de la pollution. Le bruit insolite de mon klaxon, ça c'est de la pollution. P-O-L-L-U-T-I-O-N, pollution. P-O-L-L-U-T-I-O-N, pollution. C'est ce qu'on nous dit à la maison. Cherchons une solution. C'est ce qu'on nous dit à la télévision. Cherchons une solution. S-O-L-U-T-I-O-N, solution. S-O-L-U-T-I-O-N, solution. Solution. Leçon 6. Activité 1. La maladie des érables. C'est le temps des sucres. Maric et Tomek décident d'aller à la cabane à sucre de Monsieur Tremblay. Quand ils y arrivent, oh, quelle surprise! Il n'y a presque plus d'arbres. Et il n'y a plus de cabane à sucre. Bonjour, Monsieur Tremblay. Qu'est-ce qui se passe? Mais, où sont les érables? Vous savez, les enfants, plusieurs érables sont morts. Je les ai coupés pour en faire du bois de chauffage. Mais, Monsieur Tremblay, pourquoi ils sont morts? Les érables étaient malades. Les feuilles ont commencé à sécher, à changer de couleur, puis à tomber. Les érables ont fini par mourir. C'est la pluie, je crois. Les arbres ont besoin de beaucoup d'eau, mais la pluie que nous avons maintenant n'est pas bonne pour nos arbres. Elle les tue. Maric et Tomek sont très tristes. Ils pensent à ce qu'ils pourraient faire pour sauver les arbres. Et vous, les enfants, Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Leçon 7, activité 2. Guerre à la pollution. Non, non, guerre à la pollution. Ne jetons pas les ordures librement dans la nature. Si on veut qu'elle reste belle, il faut prendre bien soin d'elle. Non, non, guerre à la pollution. On dérange les animaux avec les bruits des motos, des autos et des bateaux. On fait peur aux oiseaux. Non, non, guerre à la pollution. Il faudrait qu'on élimine la fumée des usines qui monte vers les nuages et retombe sur les arbres. Non, non, guerre à la pollution. Les déchets versés dans l'eau polluent tous nos beaux cours d'eau. Si on ne fait pas attention, on fera mourir les poissons. Non, non, guerre à la pollution. Non, non, guerre à la pollution. Leçon 10, activité 1. La maison de l'an 2050. La semaine dernière, je suis allée visiter Habitat 2050. J'ai vu une maison très spéciale. Elle est comme une bulle toute vitrée. Elle a des fenêtres partout. Le soleil entre partout. Le soleil fait tourner la maison sur elle-même. Dans la maison, il y a beaucoup d'arbres, des fleurs et des oiseaux. Il y a aussi un jardin potager. En hiver, on peut ramasser des tomates et des concombres. Je pense qu'il n'y a pas de pollution dans cette maison. J'adore cette maison! Leçon 10, activité 3. Est-ce le tien? Est-ce le mien? Voici un dessin, regarde-le bien. Est-ce ton dessin? Dis-moi, est-ce le tien? Voici un dessin, regarde-le bien. Est-ce ton dessin? Dis-moi, est-ce le tien? Ce n'est pas mon dessin à moi. Ce n'est pas le mien, ça c'est certain. Ce n'est pas le tien, ça c'est certain. Voici un dessin, regarde-le bien. Est-ce ton dessin? Dis-moi, est-ce le tien? Voici un dessin, regarde-le bien. Est-ce ton dessin? Dis-moi, est-ce le tien? Oui, c'est mon dessin à moi. Oui, c'est le mien, ça c'est certain. Oui, c'est le tien, ça c'est certain. Leçon 14, activité 2. Sauvons notre environnement. Notre nature est si belle, il faut prendre bien soin d'elle. Sauvons notre environnement de tous les polluants. Tu peux transplanter des arbres et veiller à leur sauvegarde. Pense à l'érable si beau qui nous donne du bon sirop. Notre nature est si belle, il faut prendre bien soin d'elle. Sauvons notre environnement de tous les polluants. Tu dois protéger les fleurs qui ont de si bonnes odeurs. Elles nourrissent les abeilles qui fabriquent un si bon miel. Notre nature est si belle, il faut prendre bien soin d'elle. Sauvons notre environnement de tous les polluants. Cultive bien ton potager, n'oublie pas de l'arroser. Les légumes en quantité sont très bons pour ta santé. Notre nature est si belle, il faut prendre bien soin d'elle. Sauvons notre environnement de tous les polluants. Enrichissement écoute. Activité 1. La surprise de Pâques. C'est Pâques aujourd'hui. Sébastien, le grand frère de Nathalie, a caché 10 beaux œufs en chocolat dans la cour ce matin. Il en a caché partout. Derrière la roche, dans le pot de fleurs, dans l'arbre et même dans le barbecue. Heureusement, il n'était pas allumé. Nathalie se réveille. Elle s'habille et va dans la cour. Elle cherche, cherche partout les œufs en chocolat. Elle en trouve 1, 2, 3 œufs, 4, 5, 6 œufs, puis 7, 8, 9 beaux œufs en chocolat. Mais où est donc le 10e? Nathalie entend un drôle de bruit. D'où vient ce bruit? Elle regarde dans l'arbre. Qu'est-ce qu'elle voit? Oh! Un gros écureuil qui tient entre ses pattes un bel œuf en chocolat. Joyeuse Pâques! Lui crie Nathalie. Enrichissement culture. Activité 1. C'est Pâques. C'est Pâques, la jolie fête de Pâques. C'est Pâques, je vous souhaite joyeuse Pâques. Je possède une poule très rare, qui pond en ce grand jour des milliers d'œufs de Pâques. C'est Pâques, la jolie fête de Pâques. C'est Pâques, je vous souhaite joyeuse Pâques. Je décore les œufs de toutes les couleurs. En faisant plusieurs vœux, je les cache dans les fleurs. C'est Pâques, la jolie fête de Pâques. C'est Pâques, je vous souhaite joyeuse Pâques. Avec tous mes amis, on s'amuse à chercher les œufs sans faire de bruit, on remplit nos paniers. C'est Pâques, la jolie fête de Pâques. C'est Pâques, je vous souhaite joyeuse Pâques. Vient ensuite le festin des œufs et des lapins, couverts de chocolat qui flatte nos estomacs. C'est Pâques, la jolie fête de Pâques. C'est Pâques, je vous souhaite joyeuse Pâques.